moi qui lui explique. Parce que, oui, d'accord. Alors, t'en souvenais-tu? Enfin, maintenant, est-ce que te, ce bien, film te rappelle quelque chose? Je me souviens qu'il, oui, que ça a été fait, mais j'ai été heureusement surpris, comme si je le voyais pour presque la première fois. Hein. Et celui Emmanuel Mérès, donc l'auteur de ce très bon petit film, c'est celui qui embrasse à la fin le terroriste. On le voit mieux dans le premier film. Et on le voit mieux dans le premier film. On le voit dans le premier aussi, oui. Mais celui-là, c'est son deuxième, C'est la même année. Alors, oui, sur la bande, mais y en a, c'est la même année ou il y a deux années différentes? A priori, c'est la même année. Non, j'ai un doute, c'est peut-être 78, le premier. Je ne sais pas. Là voilà, d'accord, on n'a pas de générique. Voilà. Donc, bon, ouais, voilà. Alors, moi, j'avais quand même une question à te poser. Comment se passaient les ateliers de réalisation? Comment se nouaient les relations entre toi qui animais cet atelier et les étudiants? Parce que dans les fameux points fondateurs du département art de Vincennes, ouais, qu'on a vu tout à l'heure, ouais, qui commence par « Tout art est politique, notre société en fait une utilisation répressive, il s'agit de la combattre », il y a un autre point qui est le point numéro 18 qui indique qu'il est impératif de modifier les rapports enseignants-enseignés. Comment ça se jouait justement dans le travail, dans ces ateliers de réalisation vidéo? Bon, écoute, on avait... Comment ça se passait? On ouvrait des UV ou des ateliers, quoi. Les UV, c'était toutes les semaines, les ateliers, c'était regroupé sur plusieurs jours. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait ça dans un atelier, il a plutôt fait dans une UV en travaillant. Et chacun amenait des idées à réaliser. Moi, je discutais avec eux de leurs projets, donc c'était... C'était un atelier de réalisation, donc l'essentiel du temps se passait à la réalisation et débordait les cours, on y passait des nuits, dès qu'on pouvait avoir le studio, on le prenait, ça devenait un truc intense à faire pour ceux qui s'y livraient, surtout avec des gens comme lui, il venait pas, lui il a, alors je peux parler de lui, mais juste... Comme ça, on m'a dit qu'il est à Los Angeles aujourd'hui et qu'il a une boîte de prestations, de services, de tournage. Voilà. Ah oui. Ouais. J'étais à Los Angeles il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas eu le temps de le chercher. C'est dommage. Et dans les sujets réalisés, au début, quand on voit les descriptifs de tes cours, là, on s'y est un petit peu penché, tu, avec Daniel... et Guy notamment, vous suggérez de travailler notamment sur la question écologique. Ouais. Et progressivement, j'ai l'impression que la question militante devient un peu moins présente, politique un peu moins présente, et qu'il y a un peu un glissement vers des écritures plus subjectives. C'est un peu ce que tu suggérais toi-même quand on en discutait. Peut-être des réalisations qui seraient plus des réalisations vidéo... entre guillemets d'auteur, en tout cas c'était le terme que tu employais toi-même, avec des consignes qui évoluent. Par exemple, tu vas ensuite diriger un atelier autour du film à sketch, mais réalisé en vidéo. Donc c'est plus le thème imposé de la question écolo, mais un dispositif, finalement. Je me rappelle plus du film à sketch, bon... Ma mémoire défaille. Mais je me rappelle un atelier ou une UV qui était organisée sur filmer un itinéraire. Voilà. Et j'avais donné l'exemple en faisant une vidéo qui s'appelle Pigalle, Les Halles, Que Dalle. Et ça fait partie de mon premier recueil de clip vidéo que j'ai réalisé qui s'appelle Note d'un magnétoscopeur, et c'est une des notes d'un magnétoscopeur. Tu l'as trouvé hein? Ouais, on a réussi à l'obtenir grâce à Eureskiz, et je remercie très chaleureusement, en l'occurrence, Martine Donden. Bon. Tu veux le montrer? Ouais. Oui, je regarde. Voilà, et tous les étudiants après ont fait un itinéraire. Ça, c'est monté à la maison, parce que c'est le tapis de la maison. Donc finalement, c'est l'exemple, ouais, c'est l'exercice que toi-même tu as appliqué. Je l'ai tourné avec eux, mais je le montais à la maison. Ouais.